seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer! Church, Adapt, Coroner, Merciful Fate, Stylist, and more. Music is reversible, but time... Salut, Sylvain Latour, ici même pour Subversion, 20e édition, celle du 5 février 2016. Je suis avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio en ce vendredi soir et en différé pour ceux qui nous écoutent en format compressé ou autre, dans votre bureau, votre salon, votre auto, votre vaisseau ou encore votre SUV, pas de flasher. Bref, toujours un plaisir de vous faire parvenir, de vous transmettre la passion pour cette musique subversive. Émission régulière aujourd'hui, puisque bon, la semaine prochaine, en passant, nous aurons cet hommage à ces animateurs de la radio traditionnelle qui le font toujours dans le métal au Québec, les survivants de la radio métal. Au Québec, principalement 5 animateurs qui ont cumulé plus de 500 émissions et qui sont toujours actifs à ce jour. Donc, ça, c'est à surveiller pour la semaine prochaine. On va parler aussi durant l'émission un petit peu du dévoilement de l'alignement partant du Festival Heavy Montreal de cette année. Entre autres, Cataclysm qui ont confirmé leur présence, évidemment. Et on veut les féliciter pour leur nomination au prix Juno. C'est un gala qui va se dérouler fin mars, début avril à Calgary. Donc, on aura le dévoilement des gagnants à ce moment-là. Dans la catégorie qui nous intéresse, Metal Hard, dont Fuck the Facts font partie également. Donc, à surveiller. Cataclysm présentement toujours dans cette longue tournée en Europe avec Septic Flesh, Aborted et compagnie, se prélasse présentement sur une plage à Barcelone aux dernières nouvelles. Et Stewie me disait que les connexions en Europe sont difficiles à obtenir de façon substantielle ou constante, ce qui explique pourquoi il n'a pas pu nous faire parvenir encore des archives sonores exclusives pour l'émission. Donc, c'est un dossier à suivre. Alors, c'est ça, on y va avec le premier bloc, parce qu'on aura, après ça, on aura quelques nouveautés 2016. Donc, pour commencer, un petit peu de old school, comme on dit, avec Coroner, Merciful Fate, mais avant Slayer, avec une pièce live tirée d'un concert en Hollande en 1985. Ça se déroulait au fameux Dynamo Club de Eindhoven. Ça faisait partie d'une tournée qui avait eu lieu après la sortie de Hell Awaits. Et après ce fameux concert, évidemment, qu'on se souvient à New York, au Studio 54 avec Exodus. À noter que Jeff Hanneman aurait eu 52 ans la semaine dernière. Jeff, un natif de Oakland, on sait qu'il est décédé en mai 2013. Alors, en sa mémoire et en son honneur, on écoute cette pièce live de Show No Mercy. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Ouais, parle-moi ça, mon Dave. I'm sorry, Janet. I'm afraid I can't do that. What's the problem, Mom? I think you know about the problem, Mom, just as well as I do. We'll be right back. les excellents Coroner de Zurich, ce trio de Zurich qui figure parmi les grands incontournables de l'histoire du metal underground. Sans contredit, avec Fried Alive, pièce tirée de leur premier excellent R.I.P. de 1987. Coroner, ben, en fait, ont enregistré et mixé cet album au fameux Music Lab de Berlin en mars 87, et c'est sorti sur Noise quelques mois plus tard, soit en juin. C'est vraiment une des trois formations que j'aimerais voir au moins une fois dans ma vie, avec Wehrmacht, Watchtower, ou, là j'épargne de mentionner Dark Angel, Emperor, ou, Crumbsuckers, et la liste pourrait continuer indéfiniment, mais principalement ces 3-4-là. Coroner sont venus quoi, peut-être une fois au Maryland Dead Fest, puis après ça, je pense qu'ils n'ont jamais dépassé le Mexique ou l'Espagne, bref, en tout cas, sait-on jamais. Avant ça, on avait eu Merciful Fate avec Nightmare, pièce tirée de leur deuxième, en fait, excellent Don't Break the Oath de 1984. Et au début du blog, c'était Slayer avec une version live de Show No Mercy en Hollande en 1985. Oui, c'était le 28 mai au fameux Dynamo Club de Eindhoven. Évidemment, c'était durant une tournée européenne qui a suivi la sortie de Hell Awaits. Et évidemment, le fameux concert mémorable du Studio 54 à New York dont on se souvient avec Exodus. Donc, c'est ça qu'on avait en début d'émission. C'est par un temps très mauvais, une des plus mauvaises températures de l'année de cet hiver ici à Montréal, mercredi matin, qu'on en a annoncé l'alignement de départ de ce qui semble être l'alignement de base de l'édition 2016 du festival Heavy Montreal. Par un shitstorm de glace et de grésil, pour ne pas dire un temps de marde. Qu'on a perçu ce vent de déception sur les médias sociaux, tout dépendant c'est qui vos amis et quel genre de métal ils absorbent. En fait, pour les fans de métal authentique, c'est un peu la consternation de voir ces têtes d'affiche pour un festival qui se compare au festival européen. Digne de ce nom. Moi, ma réaction, en fait, c'est un peu comme l'an dernier où ce que j'ai voulu virer l'affiche à l'envers pour voir les noms du bas affichés en évidence en haut et ceux d'en haut les mettre en bas. J'ai vraiment failli demander à un ami infographe de le faire proprement dit pour me donner l'impression que je m'en allais à un festival comparable à ceux en Europe. Et puis quand tu vois Disturb j'oublie toujours le nom de cette band-là. Five Finger, quelque chose, là. Douche, quelque chose, là. Aidez-moi donc, quelqu'un. Five Finger Dead Punch, c'est ça. Même Disturbed, j'ai vu ce nom-là passer une couple de fois. C'est pas la première fois qu'ils viennent. Puis, c'est qui, eux autres? C'est écrit tellement gros en haut de bandes comme Ghost, Blind Guardian, Cataclysm, Despise Icon, Carcass, Fear Factory, Animal as Leaders, Suffocation, là je nomme les meilleurs évidemment, qui devraient être en haut, Biohazard, Repulsion, c'est quand même des bonnes attractions, Mastodon aussi, mais ils sont relégués au bas et on s'entend que en Europe, parce qu'on peut les voir, les Flyers, d'ici quand même. Et puis ces noms-là, ils seraient vraiment en tête de liste. Disturbed, j'arrive pas à me rappeler c'est quoi au juste. On va en écouter un petit peu, on va se rafraîchir la mémoire. The album you didn't know you were waiting for is finally here. The greatest hit of Disturbed! Ooh, yamma! Yamma-namma! Yamma-namma-namma! Yamma-namma-namma-na! All of your favorite Disturbed songs, including these classic parts. Yeah! Yamma-namma! Yamma-na! Yamma-namma! Yamma-na! Oh, yamma-namma! Yamma-na! Yamma-na! Yamma-namma! Yamma-na! Yamma-na! Yamma-namma! Yamma-namma-na! Yamma-namma-namma! je m'attendais pas à moins dans le médiocre. Écoutez, je suis sans mots. Je viens de me rappeler c'est quoi Disturb maintenant. que dire de plus? Moi, ce que je pense, c'est que bon, on sait qu'il y a toujours d'autres noms, d'autres bandes absolument à confirmer d'ici le mois d'avril, comme à chaque année. Alors, on peut s'attendre à. Bon, on verra bien ce qui va sortir. Et puis, justement, pour contrebalancer là, aux jetables, aux superficiels, aux pseudo-métal. Bref, on verra bien. Et puis, ah oui, en passant, c'est quoi ce Breaking Benjamin? What the hell is this? Breaking Benjamin? Ça me fait penser, quel nom qui avait sorti l'année passée, là? On se demandait tout, c'était quoi? En tout cas, bref. J'ai juste le goût de passer à d'autres choses pour le moment, filtrer les émotions. Donc, on va y aller avec trois bandes authentiquement metal. Deux d'entre eux que j'ai bien aimé voir au Heavy Montréal, soit Abath et Voivod. Et aussi Metal Church que j'aimerais bien voir avec la présente édition qui fait état du retour de Mike Howe. Donc, oui, des nouvelles pièces de Abath, Metal Church dans le prochain bloc, mais d'abord Voivod, qui, on sait, part en tournée demain pour une tournée de 26 dates aux States avec Vector. Ils seront à Providence, New York, Philadelphie, Morgantown, Pittsburgh dans les prochains jours. Le EP en question, Pulse Society, ça sort sur Century Media le 26 février. Prochain. Ce sera un EP de 5 pièces pour 30 minutes. Donc, on écoute à l'instant une nouvelle pièce. La pièce titre Pose Society. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Du vrai métal. Black, black, everywhere. Top fuel. Radio sur Underground Québec Radio. Et je suis content d'avoir la musique grâce au Québec. Merci. Bat avec cette relecture d'un classique de Immortal, Nebula Ravenswinter, qui avait paru initialement sur le Blizzard Beast de 1997. Cette nouvelle version fait figure de bonus track sur cet album éponyme de Abbat, paru le 22 janvier dernier sur Season of Mist. Abbat lui-même, de son vrai nom Olve Ekemo, a seulement 42 ans en passant. C'est quand même étonnant du fait qu'il est un des vétérans de longue date là, de la scène metal, black metal norvégienne, une figure emblématique. Il avait seulement 18 ans lorsque Immortal ont sorti Diabolical Full Moon Mysticism en 92, donc c'est surprenant. Cet album de Bat, notre ami Sinistros lui a donné une cote de 8 sur 10 sur son blog hurlemort.com que vous pouvez visiter en tout temps. C'est un album que je m'attendais à ni plus ni moins de Abbat. C'est une production quand même relativement minimale que j'apprécie dans le sens que bon, c'est un peu dans le même esprit du concert qu'on avait vu Wave et Montréal, que j'avais beaucoup apprécié, malgré que bon, le son était plus ou moins bon. Un des nombreux bands qui ont été victimes de certains problèmes de son au festival l'an dernier. Mais c'est un album fort correct, celui de Abbat. Avant ça, on avait eu Metal Church, nouveauté, No Tomorrow, de leur album à venir au mois de mars, 11 en chiffres romains. Ça paraît sur Rat Pack Records, 25 mars prochain. Qui marque évidemment un album de 11 pièces qui marque évidemment le retour de Mike Howe, et toujours avec le guitariste d'origine Kurt Vanderhoof, qui a aménagé un studio dans le même building où le band pratiquait avant d'enregistrer avec le même vocaliste, The Human Factor, de 1991, soit dans un immeuble abandonné à Aberdeen. J'avais pas détesté le précédent, Generation Nothing de 2013. C'est un album à écouter quand même. Alors, en attendant que le nouveau sorte, on verra bien ce que ça va donner. Et au début du bloc, on avait eu Voivod, évidemment, nos ambassadeurs avec Post Society, très bonne pièce, pièce-titre de leur EP à paraître le 26 février prochain. Qu'est-ce qui s'en vient? On aura des nouveautés de Borknagar, on aura deux autres formations québécoises, Vanta Black, Warship et Staylist. Mais avant, une pause publicitaire. Ah ça alors, hey, qu'est-ce que je peux dire d'autre que ça me fait vraiment penser à une annonce de Calinette. c'est pas possible. Comment avez-vous osé être aussi ignoble? Ah désolé Charas, mais il faut bien obtempérer avec les commanditaires, hein. Mais bon, Merced So. Oui, Vanta Black Warship, ils seront. Oui, ça fait clic. Vanta Black Warship, ils seront à l'ESCO. C'est un endroit que je connais pas, proche du métro Mont-Royal, en fait. Un peu de sérieux ici. ils seront, oui, à l'ESCO le 19 février prochain à Montréal, dans le cadre du Buckfest 15. C'est un événement, en fait, multi-événement où se commettent une centaine de groupes sur 30 soirs du 29 janvier au 27 février. Ils seront sur scène ce soir-là, le 19, avec Floating Widget et Matamor. C'est à 21h, 10$ à la porte. On va aller en écouter du Vanta Black Warship, une pièce tirée de ce EP lancé en septembre 2015 au Atomic Café. 24e position dans notre top 30 2015. Voici la pièce You'll Burn for This à Subversion. Oh my God! We'll be right back. have waited this long. Hell awaits. Taylist, une formation montréalaise, tout droit sortie des ténèbres. Est-ce que c'est les ténèbres de Longueuil? Scriptures of the Tifolodians, c'est une pièce qui figure sur leur tout récent Le Dernier Crépuscule, sorti sur Profound Lord Records le 29 janvier dernier. Album qui a eu une cote de 9 sur 10 sur Metal Injection. Formation qu'on va entendre parler évidemment à l'avenir, je pense, qui pourrait plaire aux les amateurs de Incantation ou Demelik, par exemple. Formation qui comprend Philippe Touga de First Fragment et anciennement de Vengeful aussi. Philippe à titre de guitariste, vocaliste, bassiste et claviériste aussi sur l'album. Et qui aurait rejoint dans l'ombre comme ça la formation de son propre père, Pierre Touga. En fait, la formation DDT, qui aurait été réactivée avec les deux autres frères, Paul et Frank, donc avec le fils, 4 Touga dans DDT, avec le batteur d'origine. Ça risque d'être à surveiller. J'ai pas eu d'information qu'ils allaient faire des concerts bientôt, mais on verra ce que l'avenir nous réserve avec DDT. Avant ça, il n'y avait rien. Il y avait une publicité, je pense. En tout cas, il y avait quelque chose. The Vanta Black Warship. You'll Burn for This du EP 2015. Vanta Black Warship qui se produiront à l'Escobar le 19 février dans le cadre du Buckfest avec Floating Widget. C'est déjà le temps de se quitter pour ceux qui nous écoutent en direct sur Underground Québec. Je vous dis à la semaine prochaine, revenez-nous. Pour les autres qui nous écoutent dans un espace-temps autre que le moment présent, ça se prolonge un petit peu. Je vais vous parler de Borknagar avec ce nouvel album Winter Thrice qui est paru sur Century Media le 22 janvier. Évidemment, ce qui fait l'exception sur l'album, c'est la combinaison de ces trois voix signatures du métal scandinave, Vortex, ICS Vortex, Winter Sorg et Lazare. Les transitions des timbres et des lignes mélodiques sont vraiment intéressantes et ça mérite qu'on s'y attarde. Toutefois, ce qui m'agace un peu après une écoute ou deux, c'est la tendance de Borknagar de demeurer majoritairement dans les gammes majeures et de rendre le tout plus majestueux. La majestuosité d'être on top of the mountain, c'est bien beau, et ça a toujours été, mais il faudrait peut-être retourner un peu plus souvent dans la forêt, dans la petite cabane délabrée, comme sur le premier album, et nous raconter des histoires, comme dans le temps de Garm, quitte à régresser un peu dans la production. Bref, c'est trop clean, à mon goût, et trop joyeux, trop serein, même si on tombe pas dans le chevaleresque, là, comme les Rhapsody, on s'entend. Je pense que Vortex, Winter Sorg et Lazare sont meilleurs et s'illustrent mieux dans leurs groupes respectifs, soit Arcturus, Winter Sorg et Soulfald. Tant qu'à Garm, avec son potentiel énorme, j'aimerais bien qu'il puisse retourner lui aussi dans sa petite cabane avec Austin Garnsbrunn et Jens Reimann, comme dans le temps de The Olden's Domain en 97, afin de composer un album qui ressemblerait à une suite des deux premiers. Alors, pour les non-initiés, c'est certes digne d'intérêt, et possiblement aussi pour ceux qui les suivent depuis Empiricism. Il y a certes de bons moments sur l'album, mais notre ami Sinistros de hurlemort.com mentionnait, c'est un peu mou, mais il y a de très bons moments. Mais pour les amateurs des 5 premiers albums, je suis pas sûr. Alors, pour vous en faire une idée, je vais jouer une des pièces qui m'a paru parmi les très bons moments de l'album. La pièce étant de Terminus de Borknagar. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour plus de musique subversive. SoundCloud, Facebook, hurlemort.com, checkez tout ça, ça vaut la peine. À la prochaine, bye. Yeah. fortress with pillars of dreams and natures.